Mon chéri, j'existe que pour toi. Tu me vois dans tes rêves, dans mon amour. Tu me caresses, tu m'aimes. Chaque soir, j'ai réalisé tes rêves. Mon amour, tu me vois, je te souris. Tu penses, je suis là. J'existe que dans ton rêve. Tes sourires me soulagent. Je t'embrasse, tu pars. Viens ce soir. J'existe que pour toi. Danse mon amour, danse avec moi. Je suis là. I see you at my door, dancing all alone. Baby, what's your name? While your body turns around, I can hear, feel the sound of your heart. Tu me vois dans tes rêves, tu me caresses, tu m'aimes. J'existe que pour toi. Chaque soir, je réalise tes rêves. Tu me vois, je te souris. Tu penses, je suis là. J'existe que dans ton rêve. Victoria, je souris, je suis là. Victoria, tu t'aimeras, Victoria, tu pars. Viens ce soir, viens mon amour, je sais. J'existe Victoria, pour toi. Victoria, danse avec moi. Viens, danse avec moi. Oh mon amour. Oh chérie. Till the sky turns black. Oh my, come dance all the night. If you would dance with me, I will watch a thousand nights. Victoria, baby, baby, stay forever. Give me your love. Baby, baby, stay forever. Give me your love. Oh mon amour, j'existe que pour toi. Tu me vois dans tes rêves, tu me caresses, tu m'aimes. Chaque soir, j'ai réalisé tes rêves. Tu me vois, je te souris. Tu penses, je suis là. J'existe que dans ton rêve. Le sourire, le choulage, je t'embrasse, tu pars. Together forever, baby. Danse avec moi, je suis là. J'existe que pour toi, mon chéri. Tu me vois dans tes rêves. Tu me vois, je te souris. Tu penses, je suis là. J'existe que dans ton rêve. Ton sourire me choisit.